C'est pas qu'elle refusait, c'est qu'elle était comique, elle se plantait devant sa gamelle quand je lui remplissais, puis elle me regardait genre « qu'est-ce que t'as, t'as un problème ?»« T'as pas compris que j'ai dépassé ça, tu comprends ?»